الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد من الله علينا بنزول القرآن أفضل الكتب على أشرف رسول بواسطة خير ملك إلى خير أمة أخرجت للناس في أفضل بقاع الأرض في أحسن اللغات وهذا الأمر العظيم حصل في ليلة مباركة من شهر رمضان ليلة القدر قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر فأكثروا في هذا الشهر المبارك من تلاوة القرآن لتنالوا الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة فهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن رواه البخاري ومسلم قال الحافظ ابن رجب فيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها رواه الترمذي تأمل يا عبد الله هذا الحديث هذا الحديث العظيم لكل حرف من القرآن تقرأه لك بها حسنة مضاعفة فضل من الله يعطيه من اشتغل بكلامه من اشتغل بكلامه عن كلام غيره سبحانه وتعالى القارئ للقرآن صاحب راحة النفس وطمأنين قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تلاوة القرآن وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له عليك بهذا القرآن قال له عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة عباد الله نحن في زمن ضعف فيه الناس بالابتعاد عن القرآن وتلاوته وحفظه والعمل به فكثرت أذية الشياطين بالوسوسة والمس وغير ذلك واعلموا أن خير ما تتحصن به القرآن العظيم القرآن الكريم من الأمراض النفسية والأمراض البدنية كل ذلك بالإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم. ومن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لم يقربه الشيطان حتى يصبح. ولعظمة القرآن وبركته تتبعك هذه الفضائل حتى بعد الموت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد فقال وجبت. فقال له أبو هريرة ماذا وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة أخرجه الإمام مالك وهو حديث صحيح. القرآن يأتي شفيعا لأصحابه الذين كانوا يعملون به كما أخرجه الإمام مسلم. وبقراءة القرآن رفع الدرجات في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمكم أقرأكم لكتاب الله وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة آخر آية تقرأها رواه الترمذي. ثم علموا عباد الله أن السلف كانوا حريصين على الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان الذي أنزل فيه قرآن هذا الأسود. كان يختم القرآن في كل ليلة ليلتين من شهر رمضان. وهذا النخعي رحمه الله تعالى في كل ثلاث. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فعليكم بهذا القرآن وأكثر من قراءته فإنه سبيل عز الأمة وتمكينها وسبب فلاحها والفوز في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous a fait la grande grâce de nous révéler son livre et sa parole, le Coran al-Karim. Cela sur le meilleur prophète et messager qui fut envoyé parmi les gens, par l'intermédiaire du meilleur ange, qui est l'ange Jibril alayhi salam, et cela dans la meilleure communauté qui est la communauté de l'islam, sur la meilleure terre au monde, la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mecca, et cela dans la meilleure langue, la plus éloquente, la langue arabe. Tout cela pour qu'on soit guidé. Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé le Coran afin de nous montrer le chemin, de nous démontrer le bien du mal, de nous accorder le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà pour celui qui aura accepté la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour celui qui l'aura lu, médité et mis en pratique, il obtiendra tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous devons donc, et plus particulièrement durant ce mois, lire avec abondance la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le meilleur rappel et la meilleure parole. Et c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité était encore plus importante lorsqu'il rencontrait Jibril durant le mois de Ramadan et qu'il lui récitait le Coran. Jibril alayhi salam venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit durant le mois de Ramadan pour lui enseigner le Coran. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit on tire de ce hadith le caractère recommandé de lire beaucoup le Coran. Nous devons donc lire avec abondance la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du mois de Ramadan et durant le mois de Ramadan plus particulièrement. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit dans un hadith qui nous montre les hasanat, les récompenses qu'Allah azza wa jal a préparées à ceux qui lisent sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Donc la personne, dans un court laps de temps, elle peut prendre énormément de récompenses. Et cela est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut et élu, à qui il veut et choisi parmi ses serviteurs. Celui qui lit le Coran aura la tranquillité du cœur et s'éloignera de l'ensemble des maladies. Allah nous dit dans son livre, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? La lecture du Coran est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains de ses compagnons. Il dit à Abu Dharr, prends soin de lire le Coran. Prends soin de lire le Coran. C'est donc la recommandation qu'on s'adresse ici mutuellement. Et quelle meilleure chose que de suivre les conseils et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons dans une époque où les gens ont faibli religieusement et physiquement. Ils sont attaqués de toutes parts par leurs ennemis et leur plus grand ennemi est Shaytan. Il vient avec des insufflations sataniques et les éloigne du bien. Tout cela car les gens se sont éloignés du Coran. Tout cela car les gens se sont éloignés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit de sa lecture, de son étude et surtout de sa mise en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le Coran est une protection pour le fils d'Adam. Il nous dit ne laissez pas vos maisons comme des cimetières. Car certes, le diable s'éloigne de la maison où on lit Sourate al-Baqarah. Al-Shaytan se sauve de l'endroit ou de la maison où on lit Sourate al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même, lorsque le fils d'Adam passe sur un passage du Coran, où Allah azza wa jal ordonne la prosternation et qu'il se prosterne, Al-Shaytan s'éloigne et pleure en disant « Malheur à moi, malheur à moi ». On a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il s'est prosterné, il a obtenu le paradis. Et on m'a ordonné à moi de me prosterner, c'est-à-dire le diable, j'ai refusé et j'entrerai donc en enfer. Donc avec la lecture du Coran et la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal, tu humilies ton ennemi, tu humilies Al-Shaytan. Avec la lecture du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera des récompenses et cela même après ta mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme lire sourate Al-Ikhlas, Quluha Allahu Ahad Allahu Samad. À la fin de celle-ci, à la fin de cette récitation, il a dit, cela lui revient de droit. Abu Huraira était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce qui lui revient de droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le paradis. Donc celui qui lit le Coran et qui se dote de cette croyance et met en pratique les ordres d'Allah, s'arrête devant ses interdits, sans aucun doute il fera partie des gens du paradis. Avec ce Coran et sa lecture, tu seras élevé en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, préside la prière, celui qui lit le mieux le Coran. Préside la prière, celui qui lit le mieux le Coran. Et concernant l'au-delà, il nous dit, on dira à celui qui lisait le Coran dans ce bas monde, lis. Élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Certes, ta place au paradis sera au dernier verset que tu auras prononcé, que tu auras récité. Donc celui qui a mémorisé une partie du Coran, il lui sera dit, lis et récite le Coran. Et il ne cessera de s'élever dans les degrés du paradis jusqu'à ce qu'il ait fini de réciter ce qu'il a mémorisé. Voici une grande noblesse qu'Allah accorde à ceux qui ont donné de l'importance à son livre, à ceux qui ont mis en pratique sa parole. Le Coran viendra intercéder. Le Coran viendra intercéder yom al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela dans un hadith authentique. Et les pieux prédécesseurs montraient la plus grande motivation quant à la lecture du Coran lorsque le mois de Ramadan entrait. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui avait l'habitude toute l'année, durant toute l'année, de ne pas délaisser l'enseignement du hadith, lorsque le mois de Ramadan entrait, il délaissait les assises des savants pour se consacrer à l'étude du Coran. L'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, lorsque le mois de Ramadan entrait, il disait, ça n'est qu'un, c'est un mois où nous devons lire le Coran et nourrir des pauvres. C'est un mois où nous devons lire le Coran et faire des aumônes. Al-Aswad, durant le mois de Ramadan, finissait le Coran tous les deux jours. Tous les deux jours, il finissait le Coran. Il lisait la moitié du Coran chaque jour. Et l'imam Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, le finissait toutes les trois nuits. Toutes les trois nuits, il finissait la lecture du Coran entièrement. Nous devons donc revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lire, le méditer, afin de le mettre en pratique. Et sachez que la communauté ne retrouvera pas son éclat, son élévation qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé au temps des compagnons, si ce n'est en revenant au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la compréhension, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les meilleurs des communautés, la meilleure des communautés, la communauté des compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Et pour ce faire, chers frères, il te faut apprendre la langue arabe. Il te faut apprendre au minimum à lire le Coran, et cela est très facile pour celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bimanni wa karamihi an yaj'alana min qurra'il Qur'an al-amilina bih. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah wa la takilni ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma ihdina wahdi bina wa tawaffana ma'al muslimin wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Oh.